Bonjour Marie-Hélène, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Il y a 50 000 ans, l'homme se lançait dans une périlleuse aventure, franchir les mers. Pour preuve, c'est à cette époque qu'Homo sapiens atteignit l'Australie. Toutefois, l'épopée de l'homme sur mer ne s'opéra que bien plus tard, avec une des plus grandes migrations de notre histoire, l'expansion austronésienne, partie de mer de Chine pour atteindre l'océan Indien et Madagascar, le Pacifique, la Polynésie et la côte ouest de l'Amérique. Aujourd'hui, point d'archéologie sous-marine dans Carbone 14, mais plutôt de l'archéologie navale, afin de mieux entrevoir notre objet, la science de la navigation hauturière. Qui de mieux qu'un homme de mer, un amiral, l'émir des mers en arabe, pouvait être notre invité, François Bellec. Bonjour. Bonjour. Contre-amiral, ancien directeur du musée de la marine, peintre officiel et membre de l'Académie de marine, vous signez aujourd'hui dans les pas de l'amiral Paris une histoire universelle de la navigation, premier volume de 500 pages, paru aux éditions de Monza. François Bellec. Voici plusieurs dizaines de milliers d'années, peut-être plus tôt, l'homme un jour s'élança sur mer. Mais quelle fut sa première embarcation ? La première embarcation, il est probable que ça a été un tronc d'arbre, parce que finalement, l'homme s'est aperçu que, en s'asseyant sur un tronc d'arbre, ça flottait. Peut-être qu'en se levant, ça prenait le vent et ça pouvait se déplacer. Et il s'est aperçu à ce moment-là que l'on pouvait, sur la mer, transporter des choses assez lourdes, et qui venait de découvrir un nouveau moyen de transport exceptionnel. La navigation hauturière, c'est-à-dire de haute mer, est une aventure humaine dans laquelle l'irrationnel, le hasard et l'initiative personnelle ont joué un rôle déterminant, écrivez-vous, François Bellec. Oui, vous avez raison, et je tiens beaucoup à ça. C'est qu'en fin de compte, les progrès de la navigation ont rarement été des progrès vraiment très déterminés, sauf au XVIIIe siècle, quand on a cherché la longitude. Bon, les progrès, ça a toujours été des améliorations rendues nécessaires, parce qu'on allait un peu plus loin que ce qu'on avait fait jusque-là. Un certain pragmatisme, et en tout cas, je pense que c'est vraiment le hasard et la nécessité qui ont fait les progrès de la navigation, et pas du tout des volontés. En tout cas, ça n'a jamais été des buts ni militaires, ni expansionnistes. Ce sont les marchands qui, finalement, en se hasardant sur la route maritime de la soie et plus tard sur la route des Indes, ont fait avancer les progrès de la navigation. On connaît, dès le Mésolithique, de drôles de bateaux, bien plus adaptés d'ailleurs à la rivière qu'à la mer, la pirogue monoxyle. Ce qui est étonnant, c'est cette permanence de cette embarcation, toujours produite, notamment en Inde, les fameuses pirogues du Gujarat ou de la côte des Coromandel. Oui, c'est toujours la même chose. On est parti du plus simple pour aller vers un peu d'amélioration. Le plus simple, c'est le tronc d'arbre que l'on creuse avec les moyens que l'on a, c'est-à-dire le feu avec des outils de pierre, le fer n'existant pas généralement dans ces premières civilisations. Cette pirogue qu'on améliore en y rajoutant des bordées, que l'on ajoute avec des planches que l'on découpe dans le bois, que l'on lie avec des liens végétaux, et qui améliorent petit à petit, qui vont petit à petit fabriquer le bateau, la pirogue devenant finalement, au fond, l'ancêtre de la quille du bateau. Mais on part toujours systématiquement, soit avec des radeaux, où on met plusieurs troncs l'un à côté de l'autre, on fait un radeau, on le creuse, ça fait la pirogue, et c'est à partir de là qu'on part. L'homme part sur des... Alors bien entendu, c'est pas avec ça qu'on va découvrir l'Amérique, mais c'est à partir de ces embarcations tout à fait élémentaires que l'homme découvre ce qu'est, non pas encore la mer ni l'océan, mais en tout cas ce qu'est l'eau, et ce qu'est la capacité de se déplacer dessus. Alors ce qui est étonnant, amiral Bellec, c'est que ces pirogues monoxyles, donc d'un seul tronc, existent environ depuis 8000 ans, peut-être 10 000 ans, et elles sont toujours produites, mais elles vont disparaître. Elles sont totalement obsolètes aujourd'hui. Oui, malheureusement, elles vont disparaître, remplacées par des embarcations en plastique, ça se trouve partout. Mais on continue, quand on se promène dans l'océan Indien, on trouve encore sur les plages de très nombreuses embarcations qui sont toujours... des embarcations de bois, parce que c'est finalement ce qui coûte le moins cher pour les populations pauvres, hein, et tant qu'on saura fabriquer, ou même, j'ai vu il y a quelques semaines au Pérou, de construire des embarcations avec des faisceaux de joncs, comme fabriquaient les Incas, comme on en trouve dans beaucoup de populations d'Amérique du Sud, mais en continuant à faire ça comme ça, parce que ça marche, ça permet d'aller faire de la petite pêche sur des bateaux qui coûtent rien. En tout cas, il y a quand même urgence à recenser tout ça. Ah ben c'est ce qu'avait compris l'amiral Paris, qui a légué au musée de la Marine un fonds considérable qui nous fait envier par beaucoup d'États dont la tradition s'est perdue. Justement, on doit à l'amiral Paris une sorte de grande étude ethnographique de la navigation sur le monde entier. Il étudie tous les types de bateaux. Oui, il a la chance. Au 19e siècle, voilà, bien sûr. Il a la chance de participer à des grands voyages de circumnavigation et surtout l'intelligence de comprendre que c'est en voie de disparition. Il fait des dessins, il relève des côtes, et devenant directeur du musée de la Marine, il consacre les ateliers du musée à la construction de modèles à partir de ces relevés. Et il fabrique une collection qui est unique au monde et qu'on vient examiner maintenant, en tout cas de beaucoup de peuples du Pacifique et de l'océan Indien viennent consulter. Et il écrit aussi deux ou trois épais volumes. Ben, tout à fait, oui. Les souvenirs de marine conservés, qui sont vraiment les premiers ouvrages, c'est lui qui invente l'ethnologie maritime, quoi. Amiral Bellac, justement, à lire l'amiral Paris, en schématisant, ne peut-on pas dire que le bateau cousu est à l'Orient ce que le clouté est à l'Occident ? Deux cultures maritimes totalement différentes. Oui, une culture qui, ignorant le fer, fait avec les moyens du bord, c'est-à-dire avec ce qu'elle a. On le trouve dans les tombes égyptiennes, on voit très bien le dessin de bateaux cousus, qui étaient les bateaux de l'époque pharaonique. On ne savait pas faire autrement, on n'avait pas les moyens de faire autrement. Alors ensuite, il y a eu la cheville, il y a eu aussi la cheville qui est un clou en bois. Hein. Mais le bateau cousu, c'est le bateau de cette civilisation de l'océan Indien, qui utilise les matériaux qu'elle a, les plus simples, et qui réussit à faire des bateaux qui tiennent le coup. Qui, bien entendu, ne seront pas des bateaux de haute mer ayant une longue vie. C'est pour ça que quand les Chinois arrivent dans l'océan Indien, à l'époque des Song du Sud, c'est-à-dire au milieu du XIIIe siècle, leurs bateaux révolutionnent l'océan Indien, parce que ce sont des vrais bateaux solides. Et puis dans le Nord, eh bien, on fait à peu près la même chose, c'est-à-dire on utilise pour améliorer cette pirogue monoxyde qui est toujours le point de départ de tous les bateaux de partout. On y ajoute, comme les Vikings, des bordées, mais on lie ça avec autre chose que du végétal et on introduit le clou, les chevilles, et ce qui va devenir l'archétype de la construction navale, moderne. Après, ce sera le tenon et la mortaise ? Tenon et la mortaise, alors après, évidemment, on améliore et on fait de mieux en mieux avec l'art des charpentiers de marine, qui des maîtres de hache, qui mettent toute leur intelligence à améliorer le bateau. Le plus vieux bateau, le plus vieux vestige de bateau maritime a été trouvé sur un site de Koweït, As-Sabiha, par d'ailleurs une mission archéologique anglaise, et date du début du 6e millénaire. Ce ne sont en fait que de bouts de fragments de bitume. Voici une drôle de technique, le bateau bitumé. Oui, finalement, la première utilisation du pétrole, le bitume de Judée, ça a été ça. Et le musée de la Marine conserve une embarcation qui doit venir de l'Euphrate, qui est une embarcation ronde, comme on fait beaucoup de bateaux à cette époque-là. On avait fait aussi, on voit sur les bas-reliefs assyriens, des bateaux en rond, en cuir. Mais le bateau en jonc tressé, qui est lutté au bitume, a perduré au moins jusqu'au 19e siècle, puisqu'on en a récupéré au moins un exemplaire au musée de la Marine. Donc c'est vrai que le bitume a été l'un des premiers composants des bateaux composites de l'Antiquité. Le principe, c'est d'essayer de calfater. Voilà, c'est ça. Et puis de lester aussi, parce que ça permettait aussi de donner un certain poids au bateau. Alors ça avait des bateaux qui pesaient des tonnes, hein, parce que c'était... Mais ça servait à calfater, oui. Un des problèmes de la mer, ce sont les tarets. Ah ben alors les tarés, ça bien sûr, dans les eaux chaudes, dès qu'on met du bois dans des eaux chaudes, les tarés adorent. Et ça a été la raison pour laquelle les bateaux devaient aller se mettre un peu dans l'eau douce, remonter dans les rivières de temps en temps pour aller tuer les tarés. Oui, le taré a été une catastrophe. Alors on a amélioré le système, avec des doublages en cuivre, en plomb, on a fait tout ce qu'on a pu pour décourager les tarés. Mais ça a été une plaie de toute la marine en bois. Dans les eaux chaudes, à l'époque des compagnies des Indes, il a fallu lutter contre les tarés, oui, qui étaient ravis de voir cet approvisionnement de bois qui est frais arrivant d'Occident. C'est quoi exactement le taré? C'est une sorte de ver marin, c'est ça? C'est un ver marin, oui, qui malheureusement adore le bois et s'incruste à l'intérieur et bouffe le bois, quoi, en faisant des galeries. On parlait de bitume, amiral Belek. Il y a aussi le bitume utilisé en Irlande, utilisé dans le Pays de Galles. Oui, on il y a des permanences de ce genre de matériaux. Bien sûr, mais il y a une constante, si vous voulez, de même sur les curags irlandais utilisaient aussi cette même technique, peut-être moins lourde, hein, en serrant le bitume d'une façon plus légère pour étanchéifier leur bateau. Mais la constante, environ 4000 ans avant Jésus-Christ, on trouve des dessins sur des graffitis du Haut Nil, représentant des embarcations avec quelque chose qui ressemble à des avirons, et au même moment, on trouve en Scandinavie les mêmes dessins gravés sur des rochers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 40 solutions pour faire un bateau. Et finalement, on trouve des dessins de l'époque pré-viking correspondant à des dessins de l'époque pré-pharaonique. Et c'est la même chose, le dessin est le même. Donc il est normal que l'on trouve dans des bassins maritimes différents des bateaux qui sont conçus de la même façon. Notre propre histoire de la navigation est bien entendu liée à la Méditerranée. Une sorte de mer intérieure, un lac, il nous faudra des millénaires pour en sortir? Oui, parce que, enfin nous en tout cas, nous occidentaux, hein, parce que bon, on nous a pas attendu. Il y a un paradoxe, c'est qu'en l'an 1000, si on prend l'an 1000 comme repère d'horreur du Moyen-Âge, à l'époque en l'an 1000, dans l'Occident, on savait pas du tout ce qu'était la haute mer, on n'avait jamais vu ce qu'il y avait au-delà de l'horizon vu de la plage. Bon, les Vikings avaient atteint le Labrador, les Arabes, les Persans et les Chinois naviguaient sur la route maritime de la soie depuis la Chine jusqu'en mer Rouge et au golfe Arabo-Persique, et les Maoris avaient peuplé tout le Pacifique. Donc voilà, donc je veux dire, on nous a pas attendu pour apprendre à naviguer, mais il s'est passé que la Méditerranée contenait parfaitement bien tous les besoins d'échanges de commerciaux, maritimes, de civilisation, de religion, des peuples entourant la Méditerranée. Donc on n'en sortait pas, parce qu'en dehors de la Méditerranée, c'était l'océan. L'océan, le fleuve océan, c'est-à-dire on savait que la Terre était ronde, hein, depuis Aristote, il n'y avait pas de problème. On savait qu'elle était ronde. Mais toute la représentation terrestre à l'époque-là, même si on savait qu'elle était ronde, c'était quelque chose de plat, se bornant à le Koumen, c'est-à-dire Méditerranée, augmentée de l'océan Indien jusqu'à Taproban, c'est-à-dire le Sri Lanka. Et autour de ça, c'était l'océan périphérique, c'est-à-dire quelque chose où il n'y avait rien à voir. Ça a été poursuivi par le Moyen-Âge qui a un peu démoli la cartographie, la géographie grecque pour la transformer en carte œcuménique expliquant le message biblique. Mais de toute façon, autour de la partie utile de l'Eurasie, c'était le fleuve océan, on n'allait pas voir. Donc l'océan, on n'y rentrait pas, ça faisait très peur, hein, c'était peuplé de monstres marins, il y a eu quelques grands géographes comme Olaus Magnus qui ont peuplé leurs cartes de monstres terribles, donc ça faisait très peur. Le Cap Bojador au sud du Maroc, c'était la limite des navigations, c'était là où commençait la mer des ténèbres. Même si on savait que la Terre était ronde, on pensait quand même qu'en dessous, il y avait une espèce de dessous qui était plus ou moins noirâtre dans la nuit perpétuelle. La mer des ténèbres, la tradition disait qu'en franchissant le Cap Bojador, la peau devenait toute noire et les courants vous entraînaient vers l'équateur où l'eau bouillait. Bon, il a fallu 15 ans aux Portugais pour oser franchir le Cap Bojador parce que c'était tellement certain qu'on allait... C'est un peu comme le franchissement du mur du son, quoi. Ça passait ou ça passait pas. Et c'était tellement certain que ça passerait pas que c'était considéré comme suicidaire. Et donc les jeunes fidalgos, les jeunes nobles portugais qui allaient essayer, revenaient voir l'infant Henri, lui disaient « Mais monseigneur, vous nous envoyez au suicide, on peut pas ». Donc c'était ça, c'est la raison pour laquelle il a fallu tellement de temps, il a fallu attendre le 15e siècle pour que l'Occident se décide à rentrer dans l'Atlantique. On sait le nombre d'épaves en Méditerranée, je m'arrêterai juste sur celle d'Anticythère et son incroyable mécanisme unique au monde. Oui, l'affaire Anticythère, c'est une drôle d'affaire. C'est un mécanisme qui est un planétaire mécanique. Hein. C'est pas un instrument secret. C'est ce qu'on appelle un planétaire. Bon, il est certain que ça, il permet de représenter les mouvements des astres. Bien, il a été trouvé sur une épave. Le problème, c'est que les spécialistes de la métallurgie, de la mécanique, l'épistémologie de la mécanique disent que ce truc-là peut pas être antérieur au XVIIe siècle. Alors moi, je suis ni un spécialiste de la mécanique, ni un spécialiste de l'Antiquité, mais je pense que cet instrument a une drôle d'allure. Il suffit de le voir au musée d'Athènes pour se dire que c'est très bizarre. Alors, ou bien il y a une erreur de stratigraphique. C'est un instrument qui est quand même resté quelques décennies sans qu'on s'occupe de lui au musée. C'est très bizarre, cette affaire est bizarre. En tout cas, c'est pas un instrument de navigation. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Le mécanisme denticitaire donc reste entier. Évoquons rapidement l'Égypte, ces navires devant la pyramide de Khéops qui n'ont rien bien sûr de marin. En revanche, on sait que vers 2000, une expédition égyptienne en mer Rouge se rend dans un mystérieux pays, le pays de Punt. Oui, le bateau, ce qui est le bateau de la pyramide de Khéops, ce qui est assez intéressant tout de même, c'est que c'est un bateau qui sert au voyage de l'âme. Pendant la nuit, le pharaon, en Égypte, la rive droite du Nil, celle où le soleil se lève, c'est là où sont les villes. La rive gauche où le soleil se couche, c'est là où sont les sépultures. Le pharaon utilise ce bateau pour franchir la nuit et ressortir à l'aube avec le soleil levant. On retrouve des symboles de ce voyage maritime de l'âme dans toutes les tombes égyptiennes. C'est assez fascinant. Il y en a partout, que ce soit peint ou que ce soit des maquettes. Alors, les voyages de Rania Hatshepsut, elle refaisait un voyage du pharaon Saouré avant elle, et donc on est en 1200 avant Jésus-Christ. Elle fait partir 10 bateaux identiques, superbes, qui partent vers le pays de Punt pour aller chercher des arbres en sang pour les ramener à Thèbes. Bon, l'encens, c'est cette matière un peu mystérieuse, un peu sacrée, avec une dimension d'éternité. On s'en sert pour embaumer les momies. Cette expédition est tellement extraordinaire, ça consiste en fait à sortir de Babel Mandeb, d'aller probablement sur la corne de la Somalie, mais c'est tellement extraordinaire que ça figure sur le temple funéraire de la souveraine, qui dit aucun souverain n'a jamais eu un hommage pareil. C'est exceptionnel et ça montre bien. Alors ça montre aussi une chose, c'est que les Égyptiens ne savaient pas construire de grands bateaux parce qu'ils n'avaient pas de bois. Et donc c'était bateau cousu, au point qu'on voit très bien sur ces dessins qui n'existent plus malheureusement, j'ai eu la tristesse de constater qu'on voyait plus rien, mais ça a été relevé par un archéologue allemand au XIXe siècle, on voit très bien qu'il y a une corde qui va de l'avant à l'arrière du bateau, qui passe sur des tréteaux, avec un tourniquet pour la serrer, et le bateau est en permanence resserré pour pas qu'il s'effondre. Ça montre d'ailleurs, c'est la première œuvre d'art sur la marine, hein, ces bateaux. Et ça montre aussi qu'à cette époque-là, franchir Babel Mandeb, c'est un exploit digne d'être inscrit sur le temple funéraire de la souveraine. Ça montre bien cette dimension humaine que beaucoup d'historiens n'ont pas prise en compte. Le rapport entre l'homme et l'océan doit se mesurer à l'aune de l'époque et non pas avec ce que nous savons maintenant. Et je pense que c'est l'un des intérêts de cette flotte d'Hatshepsut partant vers le pays de Punt, c'est de montrer à quel point le voyage en mer était une exception inimaginable. On sait que des navires grecs et romains atteignaient l'Inde via la mer Rouge, la mer Érythrée. On peut penser que des routes étaient probablement côtières plutôt que hauturières. Pour vous, amiral Belek, quand l'homme perçoit-il le basculement des moussons et par là même le basculement des alizés? Alors, je pense que c'est difficile d'apprécier le moment où on a découvert les moussons. Ce qu'on peut dire, c'est que nous, au moment de, on va dire au début de l'ère chrétienne, à l'époque de l'Égypte romaine, des bateaux sont partis de la mer Rouge et sont allés en droiture au sud de l'Inde. Bon, à mon avis, probablement guidés par des pilotes tamouls. Je pense qu'il y a une civilisation tamoule dont les Pallavas qui ont été très attachés à la mer et qui ont fait des grandes choses, dont on trouve des témoignages sur des reliefs comme le seul Borobudur, par exemple. Et c'est probablement eux qui ont guidé ces bateaux parce qu'on n'avait aucune expérience en Méditerranée. Donc, on peut dire qu'en tout cas, pour nous, au début de l'ère chrétienne, on savait déjà ce qu'était la mousson et le basculement de la mousson. Les grands voyages au long cours des Arabes ont commencé à peu près au moment de l'Égypte, C'est là que la route de la maritime de la soie a pris le relais des routes terrestres. Jusqu'en Chine, puisque la plus vieille mosquée du monde est à Canton, preuve bien que les Arabes s'y rendaient. Oui, elle est à Guangzhou, en fait. Hein, la plus ancienne, voilà. Et on voit d'ailleurs à Guangzhou les mausolées des deux premiers missionnaires musulmans qui sont venus introduire l'islam là-bas, puisque les routes de la soie a introduit non seulement des marchandises, mais aussi des cultures et des religions. Je rappelle pour nos auditeurs du magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14, que nous évoquons la science nautique et la conquête des océans par l'homme avec l'amiral François Bellec. Le plus extraordinaire exemple de succès maritime instinctive et en haute mer est forcément le peuplement du Pacifique par les Maoris, les Austronésiens. Oui, c'est probablement le seul peuple qui se sentait bien sur l'eau. Le seul peuple qui a jamais eu peur de la mer. Parce qu'ils vivaient au ras de la mer et sur des îles où la mer était l'alpha et l'oméga, n'a jamais eu peur de la mer. Ce qui fait que, en l'an 1000, ils avaient peuplé le Pacifique jusqu'à l'île de Pâques et ils avaient touché l'Amérique du Sud, comme vous l'avez dit. Donc ça, c'est une exception, avec une science reposant sur les étoiles, une science reposant donc sur l'observation du lever et du coucher d'étoiles, qui, sous ces latitudes, se lèvent et se couchent presque verticalement. C'est le ciel des Vikings leur tournait autour de la tête, le ciel des Maoris, ça se lève à la verticale. Ça donne des directions. Et puis aussi une science instinctive de la découverte de la Terre grâce aux nuages géographiques qu'on voit de loin, grâce au vol des oiseaux, grâce à la modification de la houle. Enfin, une science considérable qui repose sur une observation extrêmement fine, et permettant de partir sur le plus vaste des océans, probablement en se perdant beaucoup, mais en tout cas en arrivant quelquefois. En tout cas, les Polynésiens, c'est 15 000 kilomètres à contre-courant et à contre-vent. Oui, à contre-courant. Il y a eu à l'époque où Thor Heyerdahl et Eric de Bishop ont voulu démontrer simultanément que le peuplement s'était fait de l'ouest vers l'est ou de l'est vers l'ouest. Bon, maintenant, on a été obligé de vérifier par le carbone 14 que les peuplements s'est fait à contre-vent et à contre-courant. Alors, en fin de compte, c'est parce que ces embarcations remontent quand même relativement bien dans le vent, et ce qui s'est démontré maintenant. Il nous faut évoquer le catamaran, cette pirogue à balancier, qui couvre d'ailleurs une vaste aire de l'Inde au Pacifique, du moins le balancier. Oui, tout à fait. Alors que ça soit le côté catamaran qui s'appuie sur l'eau ou le prao qui fait contrepoids, c'est effectivement une embarcation que l'on trouve encore. Hein, on en voit encore fabriquée par les moyens du bord avec des gros bambous et des morceaux de bois qui continuent à se trouver et à être utilisés pour la pêche dans l'océan Indien, la mer de Chine et le Pacifique. Et qui est à l'origine, en améliorant le bambou, en le transformant en fibre de carbone, à fabriquer les grands multicoques modernes. Chaque mer a ses particularités. Les Vikings ont, eux, navigué dans les brumes circumpolaires de l'Atlantique Nord. Comment ont-ils fait pour voir le soleil ? Ça c'est la bonne question, les Vikings. Alors en fait, il y a quand même un premier élément de réponse. L'espace viking, c'est pas l'espace de Christophe Colomb. L'Atlantique, à la latitude des Vikings, c'est pas plus long que la Méditerranée d'est en ouest. Et les Vikings ont mis 2 siècles à traverser là. C'est-à-dire qu'il y a eu là aussi des voyages accidentels. Après, les Vikings n'étaient pas des découvreurs, hein, c'était des éleveurs qui voulaient trouver de l'herbe pour leur bétail. C'était des fermiers. Hein. Ils n'ont jamais eu une volonté de découverte, mais chaque fois qu'un Viking ratait une île et découvrait la future Islande, 15 ans après, on allait peupler l'Islande, et puis en ratant l'Islande, on trouvait le Groenland, puis en ratant le Groenland, on trouvait le Labrador, et finalement, on a traversé l'Atlantique. Pratiquement, les traversées Vikings ne pouvaient jamais durer plus de 2 ou 3 jours, vers l'est ou vers l'ouest. L'intérêt de l'Atlantique Nord, c'est que vers l'est, vous pouvez pas rater la péninsule de Scandinave, et vers l'ouest, vous pouvez pas rater l'Amérique. Hein. Vous risquez pas de vous perdre, comme les Maoris dans le Pacifique. Donc c'est pas pour dire que les Vikings étaient de piètres navigateurs, mais c'est pour dire que la navigation viking est pas forcément aussi compliquée qu'on le dit. Alors le coucher du soleil donne une bonne direction de l'ouest. Il y a eu des choses assez étonnantes, comme voilà la Solarstein, le Spat d'Islande qui donne la direction du soleil, qui permet, quand on voit pas le soleil, de voir à peu près où il se trouve. Une sorte de pierre polarisante, ouais, hein, c'est bien et, ça. Et qui, il y a différentes sortes de pierres qui donnent change de couleur ou qui dans l'axe du soleil, qui permet de voir éventuellement où se trouve le soleil quand on ne trouve pas. dans cette région des brumes de Terre-Neuve. Se rappeler que Terre-Neuve, c'est un endroit où ils sont de la brume. Et puis il y a aussi un truc étonnant qui a été ce compas solaire viking qu'on a trouvé au Groenland. Et là, je dois dire que c'est une des choses les plus merveilleuses que j'ai eu à découvrir. C'est un morceau de bois, un morceau de bois rond, qui pourrait ressembler à un morceau de baratte à beurre, si on veut. Comme il y a des indentations, on pense que ça ressemble à une rose des vents, ce qui est peut-être abusif. Et puis, un astronome s'est aperçu qu'il y avait une petite striure, et que cette striure pouvait montrer que c'était un compas de hauteur. Tout ça, on parle sur un truc qui fait 10 cm de diamètre, hein. C'est tout petit. Et alors, ça paraît idiot, mais simplement, c'est qu'un compas de hauteur, ça permet, très simplement, c'est un truc qui se calcule de façon compliquée, mais qui s'observe simplement en mettant un gamin qui note la pointe de l'ombre toute la journée, et on a un compas qui peut marcher pendant plusieurs jours, tant que les éléments astronomiques ont pas changé. Et ben, simplement, c'est que un Danois a montré que ça peut marcher, a fabriqué des compas avec ça, il m'en a fabriqué un pour Paris, et je me suis allé en Paris en sachant où était le Nord grâce à son petit compas. Alors, je sais pas si les Vikings s'en servaient, mais ça marche. Il s'agit bien sûr du fameux cadran d'Unartok. Ouais. On le sait peu, le viking Leif Erikson serait le premier capitaine au long cours de notre histoire occidentale ? Ah, en principe, oui. En principe, c'est le premier qui véritablement a fait une navigation au long cours. Qu'est-ce qu'il a traversé ? Ah ben, il a traversé, c'est pareil, hein, il a traversé l'Atlantique Nord et il a été le premier à faire une traversée en perdant la terre de vue et en arrivant quelque part. C'est-à-dire le premier qui s'est pas perdu en allant d'un point à un autre. Et puis, il nous faut aussi évoquer cette découverte en 1904 tout à fait extraordinaire, à savoir, bien sûr, l'épave du Draka d'Osberg. Oui. Avec des photos fabuleuses. Le bateau d'Osberg a été une révélation parce que les Vikings avaient une capacité extraordinaire de se fondre dans la nature. Ils ont fabriqué la Normandie. Il faut quand même se rappeler que la Normandie, c'est un pays viking. Ils se sont fondus en Angleterre. Et ils sont tellement fondus qu'ils ont disparu de la circulation, qu'on les a oubliés et qu'on a cru longtemps que les sagas n'étaient qu'une espèce de conte pour enfants. On les a christianisés surtout. Et ils ont été christianisés, tous en bloc, mais ils se sont christianisés volontairement. Et quand on a redécouvert les bateaux vikings, on s'est aperçu que c'était pas du tout une légende et que ça avait existé. Quelle est la place de l'Extrême-Orient dans la science nautique ? Alors l'Extrême-Orient, bon, les Chinois ont été les premiers à découvrir la bipolarité de l'aimant, c'est pas eux qui ont inventé la boussole. Boussole, ça vient de boussola, ça a été en fait inventé en Italie, dans la région de l'Amalfi. Mais les Chinois ont été formés à la mer par les Persans, qui ont eu le monopole de navigation en mer de Chine jusqu'au milieu du XIIIe siècle, qui ont appris aux Chinois à naviguer par la future boussole, par l'aiguille aimantée. Mais les Chinois avaient une connaissance des astres qu'ils utilisaient beaucoup pour la géomancie. Et quand ils se sont décidés à construire des bateaux, c'est eux qui sont devenus les transporteurs obligatoires que les grands voyageurs, Ibn Battuta, Marco Polo, disaient bien, eux, que c'était pas sur des bateaux chinois qu'on voyageait en mer de Chine. Donc ils ont été des révélations jusqu'au XVe siècle, jusqu'au voyage de l'amiral Chancreux, qui a fait 7 voyages exceptionnel jusqu'à Zanzibar. Ils auraient pu découvrir l'Amérique s'ils avaient voulu. Ils avaient une capacité maritime puissante. Ils savaient faire. Et puis, après ces voyages qui ont eu un grand succès, qui ont démontré qu'il n'y avait rien à voir d'intéressant, qu'il y avait que des peuples barbares, les Chinois se sont fermés. On a interdit la construction de bateaux, on a puni de mort la construction de bateaux de haute mer. La Chine s'est refermée derrière sa grande muraille et elle a perdu toute velléité de puissance mondiale au point, comme vous le savez, qu'à partir des guerres de l'opium, elle a été humiliée jusqu'à accepter que des bâtiments de guerre occidentaux remontent le Yangtze jusqu'à Chongqing. Amiral Belek, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre très bel ouvrage, Histoire universelle de la navigation, paru aux éditions de Monza. Merci à vous. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, la technique Claude Nieur, avec la contribution d'Anne-Catherine Lechard. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page de Carbone 14, sur le site franceculture.fr, ou retrouver plus de 300 archives de l'émission sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, Carbone 14 se consacre aux druides.